Raymond Poirier est avec nous encore une fois ce midi, comme c'est le cas à tous les mercredis. Raymond, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien, merci. Ce midi, tu veux nous parler de quelque chose que moi, personnellement, je trouve particulièrement intéressant, c'est-à-dire les applications qui rendent un peu la vie plus facile dans certaines villes. Et là, on va parler plus particulièrement de San Francisco et de Boston. Effectivement, en fait, mais des idées qui peuvent être appliquées facilement ici. Et même pour la première application, j'ai envie de décrire comment elle fonctionne, mais en utilisant des exemples de Québec. Donc, comme ça, on va ancrer ça dans notre univers immédiat. C'est une application qui s'appelle Neighborhood Score, en fait. Donc, l'idée, c'est de permettre aux gens, aux citoyens, citoyennes, de savoir un peu comment va leur quartier, quelle est la santé globale, si on peut dire, de leur quartier, de manière quantitative, et de pouvoir aussi se comparer aux autres quartiers de la ville. Donc, d'avoir accès au score de Limoilou, au score de la Cité, à celui de Sillery, Sainte-Foy, et pouvoir comparer, dans une perspective peut-être un peu plus mathématique, entre guillemets, les quartiers entre eux. Donc, l'application développée pour San Francisco donc a pris en compte à peu près 8 éléments donc d'évaluation. On parle de la sécurité publique, on parle de la qualité des écoles, de la criminalité, du taux de criminalité, de la qualité de l'air, la marchabilité du secteur, l'accès au transport public, etc., etc. Donc, des catégories qui sont... qu'il est possible d'évaluer en fonction des données qui sont disponibles. Parce que eux font pas ça simplement de manière subjective, c'est vraiment analytique. Quand on parle de la qualité de l'air, ben c'est qu'ils ont des senseurs qui évaluent la qualité de l'air. C'est des informations qui sont libres, qui sont ouvertes. Donc, dans le fond, l'application va simplement chercher dans les données ouvertes, donc cet élément-là. Quand on parle, par exemple, d'accès au transport public, ben les données sont aussi disponibles. Après ça, on les passe à travers un algorithme. On se retrouve avec cette donnée-là. Donc, toujours à partir de jeux de données qui sont rendus disponibles, que ce soit par la municipalité, que ce soit par l'État, que ce soit par le gouvernement fédéral. C'est une bonne façon de se comparer pour éventuellement s'améliorer, de se comparer comme ça. Bien, tout à fait, parce qu'éventuellement, c'est des applications qui peuvent grandement aider les villes à sauver beaucoup d'argent et sauver beaucoup de temps aussi. Exactement. Enfin, on imagine l'utilité, c'est un peu ce qu'ils font du côté de San Francisco. Donc, l'idée, c'est qu'on a, par exemple, des assemblées citoyennes autour, notamment, de l'application et de d'autres éléments. Et là, ben, on peut dire, ben, regardez, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'application, on est chiffré à 2, mettons, en termes de qualité de l'air. Donc, il y a peut-être un problème de ce côté-là. Si on se compare avec le reste de la ville, on voit qu'eux sont à 5, 7, 8. Donc, on est clairement en deçà. Quelles sont nos mesures présentement quant à la qualité de l'air du quartier? Et là, subitement, ben, on peut dire, OK, on aimerait ça savoir comment l'application est arrivée à 2. Et là, ben, on sort les jeux de données. Voilà. On met de l'avant le portrait global, mais on a des citoyens qui sont d'emblée conscientisés et éventuellement, mais les citoyens peuvent eux-mêmes dire, ben voilà, nous, on voit que notre quartier est en arrière sur tel score, ben on voudrait prendre des mesures pour l'améliorer. Et donc, tranquillement, ça peut devenir aussi une manière d'impliquer, d'engager les citoyens dans les affaires publiques de manière un peu plus active, si on peut dire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à une autre application que la ville de San Francisco a créée, qui s'appelle le Crisis Mode. C'est fait pour favoriser l'accès à information en cas d'urgence. Exactement, mais en fait, il faut dire, bon, sur la côte ouest californienne, il y a toujours des problèmes de tremblements de terre. La faille sismique, ils ont des problèmes de sécurité publique qui sont peut-être un peu plus flagrants. Parallèlement, mais il y a les problèmes quotidiens, les incendies, des centres policières peut-être, les feux, les accidents, etc. Et donc, les services publics ont décidé de regrouper tout ça à l'intérieur d'un outil qui s'appelle Crisis Mode. Donc, l'idée, c'est une source digitale, une plateforme digitale open source qui donne de l'information et des mises à jour quant à la sécurité. Donc, si, exemple, il y a on y va avec un exemple de base, un feu. Donc, évidemment, si c'est un feu en plein centre-ville de San Francisco, il y a l'édifice qui est en feu, mais il y a d'autres édifices qui sont concernés. Il y a des rues qui sont évidemment bloquées. Il y a des artères peut-être qui sont modifiées au niveau circulation. Et donc, tout se retrouve sur la carte en temps réel. Donc, c'est comme une petite application? Comme une petite application ou un Google Maps à la limite. C'est simplement un dessus, un jeu sur Google Maps. Ça peut envoyer une notification. Ça peut envoyer une notification Twitter. Il y a déjà des fils Twitter qui existent pour les services de sécurité publique. Eux, ils ont déjà des cartes aussi. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire l'adéquation, de prendre ces informations-là et de les sortir. Les regrouper en même temps. Exactement, et d'avoir un outil. Parce qu'en même temps, bien, c'est souvent quand on parle de médias sociaux, on ne peut pas seulement animer un outil, un média en situation d'urgence. Il faut créer une habitude. Et donc là, on crée une habitude. Et si on arrive avec une situation d'urgence, tel un tremblement de terre, bien, les gens vont avoir le réflexe d'aller soit sur les fils d'informations liés à cette carte-là, soit d'aller voir sur cette carte-là. Et éventuellement, si c'est des catastrophes un peu plus imposantes, eh bien, il va y avoir aussi de l'information sur les les services d'urgence, sur les numéros d'urgence à contacter, sur les refuges qui sont mis en place, etc., etc., etc. Donc, savoir une ressource complète là, au niveau d'urgence. C'est très bien pensé. Oui, quand même. Du côté de Boston, il y a des choses intéressantes aussi. Il y a une application qui s'appelle Citizens Connect. Oui, ça existe quand même depuis 2009. Et c'est un peu sur le principe de d'autres mesures qu'on met en place dans les villes, que ce soit sur le web ou ailleurs. Donc, l'idée que le citoyen, c'est un peu le meilleur agent de surveillance sur le terrain. Donc, lui va marcher dans sa rue, marcher dans son quartier, va peut-être remarquer qu'il y a un lampadaire qui est éteint, qui est brûlé, va peut-être remarquer qu'il y a un nid de poule, va peut-être remarquer qu'il y a un trottoir qui est craquelé, qu'il y a un arbre qui est en train de mourir, des choses comme ça. Et on peut signaler ces éléments-là aux autorités municipales pour qu'eux, éventuellement, puissent prendre action. Mmh. Et donc, l'idée, c'est, on l'a vu ici avec, par exemple, Info Nid de Poule de CA, des choses comme ça. Donc, les gens sont prêts à participer sur des initiatives comme ça. Ça favorise l'implication. Oui. Ça favorise, bien oui, clairement. Et en même temps, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, oui, là, on a des outils qui sont disponibles pour favoriser cette implication-là, mais maintenant, comment on peut la récompenser? Et donc, eux, en 2009, ils avaient eu en place ce service-là qui était utilisé de manière correcte. Et ils se sont dit, bien OK, peut-être qu'il manque le petit plus pour intensifier vraiment et pour avoir des agents au quotidien là, sur le terrain. Oui. Et donc, ils ont décidé de créer un système de récompense. Je ne sais pas si vous connaissez Foursquare. Oui. Donc, l'idée, on rentre dans un lieu, on se tag, donc pour signifier aux gens qu'on est dans tel café, dans tel commerce, etc. Et tu gagnes des points. Exactement, tu gagnes des points et éventuellement, tu deviens maire de l'endroit. Mm-hmm. Et donc, donc, l'idée, c'est que quand on signale un problème qui est réel, eh bien, avec l'application Citizen Connect, on a des points. Donc, quand le problème est réglé, évidemment, on a mis à jour, mais on a eu donc une petite notice de dire, ben, OK, voici, vous avez reçu 5 points pour avoir signalé cet élément-là. Éventuellement, les points s'accumulent. Éventuellement, quand on dépasse 250 points, ben là, on a accès à des formations parce qu'on est identifié par les autorités municipales comme étant un agent, un intervenant privilégié, puisqu'on participe activement. Et donc là, on a des formations, on a des activités, on a des ressources qui sont subitement rendues disponibles. Et donc, on a un rôle peut-être un peu plus officiel avec ce système de pointage-là. Ce qui est très bien, parce que finalement, bon, un conseil de ville a une certaine possibilité, un certain rayon d'action, finalement, qui, à un certain moment, est quand même assez limité, là, même si c'est quand même les gens qui sont élus pour s'occuper de la ville. Ceci étant dit, on peut pas tout voir, puis on peut pas tout savoir. Et Boston a aussi développé un simulateur de politique publique. Ça, c'est ma préférée. Exactement. C'est un peu l'état du Massachusetts qui a mis ça en place aussi. Donc, l'idée, c'est, bon, quand on réfléchit à modifier un peu des politiques publiques, mais on n'a pas toujours en tête l'impact que les changements, les modifications, les discussions vont avoir. Et on le dit souvent dans ces chroniques-ci, ce que nous apportent particulièrement les nouvelles technologies, c'est l'idée du temps réel. Donc, dans la mesure où on peut analyser en temps réel, on peut recevoir de l'information en temps réel. Et évidemment, quand on réfléchit souvent à des éléments comme ça, ben, ça nécessite des calculs, ça nécessite de l'analyse. Et donc, évidemment, on peut peut-être un peu moins efficacement, comme on dit en bon québécois, se retourner sur un dixième, changer d'idée, dire, bon, OK, si on enlève un dollar là, finalement, plutôt que l'enlever là, etc. Et donc, eux, ils sont en train de développer un simulateur qui s'appelle Hotline.com. Et l'idée, c'est justement de permettre l'analyse et de bien saisir la résultante des propositions qu'on fait au niveau des politiques publiques. Voilà. Donc, ça devient quand même assez large. Là, c'est l'impact financier, évidemment, qui est évalué avec ça. On utilise différents éléments métriques. On essaie de visualiser différents aspects des relations entre les citoyens et le secteur public. Donc, on a rentré là-dedans, dans ces algorithmes-là, les données des recensements, les données du ministère du Revenu, les données internes et publiques de différents organismes. Donc, évidemment, c'est pas une application que nous, on peut utiliser comme ça sur le web. Non, bien entendu. Il y a des données quand même extrêmement sensibles là-dessus. Et donc, l'idée, c'est que on va être en mesure de proposer donc aux décideurs une analyse plus précise des impacts que leur politique pourrait avoir, voire des impacts qui ne sont pas nécessairement soupçonnés. Si on veut voir peut-être un peu la version plus publique, si on peut dire de ça, c'est Politify.us. Donc, ça avait analysé l'impact des plans développés par Obama et Romney pendant l'élection américaine de 2012. Et donc, l'État du Massachusetts s'est dit, on va prendre ça, mais on va le faire pour vrai, pour l'aide à la décision au quotidien, là, plutôt que simplement dans un contexte électoral. Et ça avait nettement donné l'avantage à Obama sur ses politiques. Le logiciel ramassait Romney, finalement. Il n'y avait même pas besoin d'un humain pour le faire. Raymond Poirier, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? @itis_ul ou sinon sur itis.ulaval.ca. Et on se revoit la semaine prochaine. Sans faute.